Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. Bonne saison pour les élites de Jonquière. La preuve, ils ont quasiment tout, ils ont remporté plusieurs trophées lors du bunch de champions qui se déroulait à Laval. Steve Thériault, l'entraîneur-chef de l'année. Olivier Rodrigue également a eu plusieurs honneurs. Quoi qu'il en soit, on parle avec l'instructeur-chef Steve Thériault. Salut Steve! Oui, salut, ça va bien Steve? Toute qu'une année, mais à quelque part, est-ce que cette année, la preuve, vous avez remporté plusieurs trophées, mais est-ce que cette année-là a été un petit peu noirci par votre participation ou votre prestation en séries éliminatoires? Ben, c'est sûr et certain là, parce que on aurait vraiment aimé ça là, avoir plus de succès là, en série. Mais avec le recul, tout ça, la saison régulière qu'on a connue, là, comment je pourrais dire, sans avoir nécessairement eu de temps mort ou de petite baisse, si en guillemets, c'est quelque chose qui est un petit peu, là, ce qu'il aurait fallu, c'est avoir connu peut-être un 3, 4, 5, 6 matchs, là, d'un succès, là, de petite baisse pour pouvoir revenir, là, pour revenir finir en force. Mais, on est quand même content, là, c'est pas sans effort ou sans avoir été dédié, là, les joueurs ont vraiment tout donné quand même, là, durant les séries, puis en bout de ligne, là, c'est ce qui compte. Puis on a perdu contre quand même une bonne équipe, là, les Lions, là. Je crois que leur classement en saison régulière ne reflétait pas nécessairement la qualité, là, qu'il y avait dans cette équipe-là. Puis, on est quand même fiers de ça. Il reste quand même, comme tu as dit, je suis fier de ce qu'on a fait. Il reste quand même des choses très positives de cette saison-là. D'abord, c'était la meilleure année de l'histoire des élites et des cascades. Il faut parler également des cascades. Ça va certainement faire des petits, ça, parce que je pense, tu me corriges, je me trompe, du haut du lac Saint-Jean, les élites ont atteint vraiment une notoriété cette année. Est-ce que je me trompe? Non, sûrement pas, c'est sûr et certain que ça va aider là, pour l'intérêt là, des joueurs là, du haut du lac qui va vouloir se présenter chez nous, mais non, tout simplement, là, tu sais, faire partie de la structure des élites de Jonquière, que ce soit dans le même temps ou un jeu d'espoir également. Mais, nous, ce qu'on a voulu faire, là, c'est ce qu'on a dit aussi aux joueurs à la fin de saison, c'est que on espère que c'est l'an 1, cette année, c'est l'an 1 de quelque chose, là, comment je pourrais dire, là, changer là, la philosophie un peu là, de la ligue, là, de l'équipe, là, puis d'être des compétiteurs, de vouloir remporter chaque fois là, qu'on est sur la glace, tout ça, puis de faire en sorte que les années suivantes, là, les jeunes soient très, très fiers là, d'endosser le chandail des élites, puis qu'ils vont vouloir justement là, performer là, chaque fois. Qu'est-ce que tu... c'est un programme que ça fait quoi, 3-4 ans là, que vous avez mis en place, là, la structure des élites, que ça prend à peu près ça, 3-4 ans à avoir des résultats. C'est à peu près ça que vous venez de faire, là, 3-4 ans? Ben, c'est un petit peu longtemps, mais je pense que les structures existent, mais il y a un début à tout, ouais, tout ouais. Ça, puis, mais par contre, là, t'as raison de dire, là, depuis que les 3-4 dernières années, là, c'est la qualité des entraîneurs aussi, puis les enseignements qu'il y a dans les catégories là, inférieures, là, au niveau PV, au niveau Bantam, qui fait que quand les joueurs arrivent à l'âge midget, là, ont un meilleur bagage, ont des meilleurs outils, là, dans leur coffre, puis on l'a vu il y a deux semaines, là, dans un préquin, là, qui est en vue de l'an prochain, on avait un préquin ici, on a joué des matchs à Québec également, puis on avait beaucoup plus de profondeur, là, que l'an passé, là, au niveau des joueurs, avec plus de bagages, puis des meilleurs potentiels de développement pour le futur aussi, fait que la structure, là, faut être patient, mais J'espère que ça commence à porter. OK. Plus. Si on parlait des joueurs du haut du lac, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Après ça, je vais parler d'Olivier Rodrigue, parce que c'est un cas intéressant ouais. également. Les joueurs du haut du lac. Jean-Simon Bélanger, deuxième équipe d'étoiles. On a toujours dit qu'il avait un potentiel offensif intéressant. Moi, j'avais fait une entrevue avec Yannick Jean. Il a joué quelques matchs avec les Saguenayens. Puis je pense que le fait qu'il ait été sélectionné sur la deuxième équipe d'étoiles, ça confirme son potentiel. Ben, c'est ça exactement. Puis, ça veut dire que c'est facilement parti là, des 5-6 meilleurs attaquants qu'il y avait dans la ouais. Ligue déjà 3 cette année. Puis Jean-Simon, toujours très dangereux là, chaque fois qu'il est sur la glace. Puis, assurément, là, il a tout le temps fait partie, c'est à peu près certain, là, des plans de match là, des équipes adverses, justement, là, dans le but de le compter durant la saison. Puis, je crois que le GF il va se représenter encore en août là, au camp d'entraînement là, des 5 minutes. Puis, il est en mesure, là, avec un bel levier d'entraînement, là, de pouvoir partir d'alignement parce que c'est sûr et certain qu'il va être capable d'amener, même à 18 ans, il va être capable d'amener là, entre 20 et 25 buts là, dans les juniors. 20 à 25 buts, c'est bon pareil? Ouais, c'est Jean-Simon, c'est un marqueur né. C'est ça, tu le vois, tu l'as pas, là, c'est instinctif. Puis Jean-Simon, c'est vraiment. Okay. Jérémy Fortin, un gars de Tolbo, il s'est signé, c'est un petit gars très intelligent, très brillant. C'est un gars qui a du cœur au ventre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémy? Est-ce qu'on peut parler d'une belle année? Oui, vraiment, parce que tu sais, Jérémy, comment je pourrais dire, au départ, là, sa deuxième saison, là, dans le job 3, il s'attendait de jouer un rôle qui était offensif, si on peut le dire, là, d'amener une bonne contribution au niveau offensif. Mais durant la saison, on a eu des jars et tout ça, puis j'avais même discuté avec le directeur général là, de Shawinigan, qui est Martin Monroux, comment tu voyais Jérémy, puis on s'en joignait à ce niveau-là, puis avec Jérémy, on a su travailler, là, justement. Là, Jérémy, c'est plus, comme tu dis, c'est un grand travaillant, c'est très intelligent, capable d'avoir la game, puis moi, l'instinct d'un marqueur, là, comme Jean Simon, si on peut le dire, Jérémy, c'est important qu'il soit responsable là, dans les deux sens de la patinoire, puis être en mesure de jouer contre des gros joueurs chez l'adversaire. Puis, c'est ce qu'il a su amener là, chez nous là, à partir, je dirais, autour de novembre jusqu'à la fin de la saison. Puis, Jérémy, ça a été un de nos meilleurs joueurs là, dans les séries éliminatoires. Là, était vraiment responsable, puis était dangereux à jouer. Donc, c'est de bon augure pour Jérémy pour l'an prochain parce que il comprend maintenant là, parfaitement là, dans quelle situation qui peut être le meilleur. Là, OK. Lui, il appartient au Cataract de Shawinigan. Hein? Ouais, donc, c'est quoi? Un joueur de troisième, quatrième trio? Peut-être c'était pas un joueur de deux premiers. Un joueur d'énergie en termes de hockey qu'on pourrait dire. C'est ça? Ouais, ben, c'est pas nécessairement un joueur d'énergie. Ben, tu sais, Jérémy, il y a quand même des équipes ouais, okay. offensives. Il y a des mains, si on peut ouais. dire. Sauf que, honnêtement, peut-être un manque de finish, là, à l'entour du filet. Mais, moi, je le vois plus comme un pas nécessairement un top 6, là. Mais, surtout pas à 17 ans. Peut-être en vieillissant, oui. Mais, pour l'an prochain, là, un joueur, un troisième centre, là, dans le junior, là, c'est un rôle qui pourrait lui convenir. OK. Je veux parler de Jérôme Gravel, qui est le troisième joueur du Haut-du-Lac. Lui, c'est un défenseur défensif, ouais. appartient à une équipe de je pense, c'est des Maritimes. Si je me trompe pas, c'est Acadie Batters. Bon, c'est ça, je me mêle avec Moncton. Lui, c'est un défenseur qu'on va voir un genre de, je sais pas, Moyal Gill, tiens. C'est un peu ce style-là. Lui, Jérôme, si on peut le dire, plus un genre de Bruce Hawkins okay. qu'on voit là, présentement là, durant qu'il est pour Washington. Ce genre-là, là, un gros bonhomme là, qui va être physique, puis qui va entre sa ligne bleue puis la ligne des buts, là, qui va vraiment faire un travail très, très, très efficace là, pour son équipe défensivement. Puis je suis pas inquiet pour Jérémy parce qu'il va avoir à être physique, puis il va avoir à faire face à la musique là, dans le junior, mais ça, je suis convaincu qu'il va être en mesure de le faire. Puis, au-delà de ça, c'est un jeune homme là, qui amène beaucoup, beaucoup de leadership là, dans un vestiaire. Puis, c'est un jeune adulte, si on peut le dire. Là, puis, une bonne personne, vraiment bon à l'école. Ben ouais. Puis, c'est à peu près certain là, qu'il va avoir du succès dans okay. Y a-t-il des. Avant de parler d'Olivier Rodrigue, on va liquider le dossier des joueurs du Haut-du-Lac. Là, il y a ces trois joueurs-là, mais dans le programme des élites, y a-t-il des joueurs qui viennent du Haut-du-Lac, de Dolbeau, de Robertval, de Saint-Félicien ou de tout autre village du Haut-du-Lac qui risquent de faire l'équipe l'an prochain que tu n'as pas vu, là? Ben, il y a deux bons jeunes là, qui ont joué 14 ans dans le club espoir là, qui viennent du lac. Je ne sais pas leur okay. jeu, exact, là, mais c'est Mathieu Bouliane puis Raphaël Kenny. Je ne sais pas exactement ils sont de où, mais je sais qu'ils sont du lac Saint-Jean. Puis, ils ont été surclassés l'an passé, ils ont joué 14 ans dans le club espoir, donc devrait, si tout va bien, là, s'ils continuent là, à s'entraîner comme il faut, puis à prendre ça au sérieux, là, normalement, c'est des jeunes là, que. On veut voir longtemps là, à notre camp d'entraînement l'an prochain là, pour jouer qu'il y a okay. Je veux te parler d'Olivier Rodrigue maintenant. C'est le gros prospect des. C'est le gros prospect. La semaine passée, j'avais Marc Denis en entrevue. Puis j'y ai posé la question, est-ce que pour les Saguenay, Marc Denis est l'équivalent de Pierre-Luc Dubois? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux en venir avec les Canadiens. Ouais. Les Saguenay repêchent au 9e rang. Olivier Rodrigue est classé au 4e rang. Le Canadien repêche 9e. Pierre-Luc Dubois est classé 4e rang. Est-ce que c'est un peu l'équivalent? Est-ce que ce gardien de but-là va avoir un impact majeur dès le départ ou ça va y prendre une autre année avec les élites? Ou il peut être deuxième, ou il peut être deuxième gardien de but pour commencer? Oui, mais c'est sûr. Ben, je pense qu'à 16 ans, là, un gardien de but à 16 ans dans le junior majeur, c'est important d'y faire attention. Olivier, pour que sa progression puisse continuer, là, je pense qu'il doit faire le saut l'an prochain dans le junior majeur pour sortir un peu de sa zone de confort puis s'améliorer, justement. Mais ça va être important de bien l'utiliser, là, justement, pour conserver son mental. Sa confiance, parce que c'est un gardien, c'est quelque chose qui est très important. Tu sais, ils doivent jamais buter, puis ils doivent être en confiance. Mais tu sais, les équipes, là, les gestionnaires, là, c'est des gens professionnels, je serais certain que ça devrait être correct à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il va évoluer à partir de 16 ans dans le junior, mais alors, je crois pas qu'il a à être numéro 1 là, à partir de l'an prochain. Est-ce que pour les Saguenay de Chicoutimi, ce serait une bonne chose que les Saguenay repêchent Olivier Rodrigue? Pour Olivier Rodrigue, là, tout simplement, il y a le mental, parce que c'est un peu l'équivalent d'un Canadien qui repêche un Québécois, là. La pression va être forte chez les Saguenay, puis si Rodrigue appartient s'en vient avec les Saguenay, la pression va être forte sur lui. Est-ce que pour sa carrière, pour le bien de sa carrière et la suite, repêché par les Saguenay, est-ce que ce serait peut-être trop ou il est capable de faire face à la musique? Ouais, il était capable de faire face à okay. Olivier, là, c'est très, très calme, puis peut-être il y avait un petit peu de nervosité au début, ça c'est normal, mais Olivier, à chaque fois qu'il vit les événements une fois, la deuxième fois, tout devient en place, tout devient correct, puis tout ce qui est stress, l'anxiété part, puis c'est son travail, puis il fait sa musique dans ses performances, mais pour juste qu'il vive les choses une fois. Fait que, comme je pense qu'il y avait un petit peu de nervosité au début, mais ça se tromperait assez rapidement. Puis, que ce soit chez lui ou ailleurs pour faire performance, là, je crois pas que ça dérangerait, mais peut-être que lui préfère. Peut-être que lui aimerait l'aventure un peu, puis aller visiter là, d'autres endroits. Ouais. Peut-être là, pour sa progression aussi en tant qu'élite. Ben, Steve Thériault, ça en a fait pas mal le tour de la saison des élites. On va te souhaiter la meilleure des chances, puis on se parle dès le début du camp d'entraînement. Parfait, merci beaucoup. Voilà, l'instructeur-chef des élites de Jonquière, Steve Thériault.